Cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ma ma'na al-Hanifiyya millatu Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam. Ma ma'na al-Hanifiyya? Indak? Bil-Arabiyya? Ta'budallah? Wahda. Wa la tushrik bihi shay'a. C'est ça, al-Hanifiyya. Fal-Hanif, c'est celui qui s'écarte du shirk et il adore Allah seul. Al-Tawhid. Al-Hanifiyya millatu Ibrahim, c'est Tawhid. Donc, dîn ou l'islam, c'est al-Tawhid. Notre dîn, il est fondé sur Tawhid. Pas de dîn pour celui qui n'a pas de Tawhid. Pas de dîn pour celui qui contredit ce Tawhid, le shirk. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a créé pour ça. Mad dalil? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. أين التوحيد في الآية؟ يعبدون بمعنى يوحدون, أي العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. لا بد que cette عبادة elle soit fondée sur التوحيد. Et on vous a dit أن chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala cite في القرآن العبادة يأمر بالعبادة, il ordonne de l'adorer, c'est بالتوحيد. C'est pour ça que Cheikh l'Islam قال يعبدون أي يوحدون. Tu comprends automatiquement هذا, لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبادة إلا الخالص لوجهه, كما قال في حديث أبي هريرة الحديث القدسي, قال الله تعالى أنا أغنى الشرك عن الشرك فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. Celui qui adore Allah, il adore un autre Allah, il le délaisse avec sept autres. وجاء هذا عن ابن عباس يعبدون بمعنى يوحدون. Et la chose la plus importante qui nous a ordonné Allah, c'est quoi? نعم, en un mot, التوحيد. La chose la plus grave qu'Allah nous a interdit, الشرك. ما الدليل que la chose la plus importante c'est التوحيد et la chose la plus grave c'est الشرك? وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أحسنتم, هذا خلاصة ما تقدم. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله, فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها أو معرفتها, فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. On revient au début de la Risala, quand il nous avait cité la bout de trois choses, al-ilm, etc. Ou de quatre choses, al-ilm, il avait cité la première. Al-ilm, c'est ma'rifatullah, ou ma'rifatul nabi, ou ma'rifatul din. Vous vous rappelez? Et c'est ça l'usul al-thalath. Al-an, à partir de ce moment, Cheikh l'Islam, il va expliquer ces trois fondements. Et c'est ça la Risala, al-usul al-thalath. Enfin, tout ce qu'on a vu avant, c'est comme une introduction. Des choses, des points importants, avant de rentrer dans le sujet. Et ça, ça te montre, Akhil Karim, quand tu fais da'wah, quand tu veux expliquer une chose, si cette chose elle a besoin d'une introduction, elle a besoin de certains points avant, explique-les. Explique à la personne. Awalan, il faut que tu saches telle chose, dès qu'il a compris, tu rentres dans le vif du sujet. Amma, tu lui expliques une chose et il n'a pas les moyens de comprendre, ربما لا يفهم. فلهذا علي رضي الله عنه كان يقول حدث الناس بما يفقهون. Tu lui expliques une chose, il ne comprend pas. Tu lui cites des adillah, Thomas, tu fais une conclusion. Il n'a pas compris. Rupama, tu as voulu une chose et il a compris une autre. Et ça, c'est grave, tu as une responsabilité. Tu montres bien, Thomas rentre dans le vif du sujet. Surtout, c'est un sujet important. Si, bien sûr, il y a un besoin. S'il n'y a pas de besoin, si c'est un kalam wadih, le kalam il est wadih. Donc, à partir de ce moment, Cheikh l'Islam, il va détailler l'usul al-thalath. Qala Cheikh l'Islam, fa idha qila lak man rabbuk, fa qul rabbi Allah. الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه, والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. وكل من سوى الله عالم بالفتح, فتح اللام يعني فتح سوى اللام, لأن سوى لعالم سميد العلم, أما المراد هنا سعالم, وأنا واحد من ذلك العالم. Donc, le premier fondement que chaque musulman doit connaître, c'est ma'rifatullah. لأن الله سبحانه وتعالى, c'est le khaliq, c'est lui qui t'a créé. C'est lui que tu dois adorer. Enfin, tu dois connaître Allah. Et tu connaîtras Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et ses attributs. كذلك, tu connaîtras Allah subhanahu wa ta'ala en méditant sur ses signes, ses créatures. Comme il va détailler Cheikh Abdelaziz bin Baz, ou قبل ذلك نعم شيخ الإسلام يفسر هذا. قال الشيخ عبد العزيز dans le شرح le point numéro 3, هذه الأصول الثلاث تجمع الدين كله من من ربك وما دينك ومن نبيك وهي التي يسأل عنها العبد في قبره كما جاء في حديث البراء بن عازب الحديث الصحيح الحديث quand le croyant il meurt et il est placé dans sa tombe. Et dans le hadith, na'am, le cas du croyant et le cas du kafir. Et deux anges y descendent, Munkar wa Nakir, et ils posent ces questions à ce mort. Il vient de rentrer dans sa tombe. Man Rabbuk, Madinuk, Man Nabiyuk. Ces trois questions, c'est des fondements de notre religion. La preuve, c'est que la première chose dont le abd il est interrogé quand il est enterré, c'est Hab. Cheikh al-Islam, il te les explique. C'est Mohim. Hatta, Inch'Allah, si tu meurs, et tu as appris ces choses sincèrement, tu les as appliquées, dans ton qabr, tu pourras répondre. Celui qui répond à ces questions, il a réussi. C'est un test. La vie, c'est un test. Al-qabr, la première chose, imtihan. Comme un examen. Des questions, est-ce que tu pourras répondre? Cette vie que tu as passée sur terre, est-ce que tu l'as passée comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et dans l'autre verset, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ. Celui qui a appliqué هذا, il répondra. Celui qui n'a pas appliqué, كَالْ كَافِرُ وَالْمُنَافِقُ, le munafiq il dira, هَا هَا أَيْ سَمِعْتُ النَّاسُ يَقُولُونَ كَذَا فَقُلْتُ كَذَا. Et j'entendais les gens dire telle chose, je le disais. Un munafiq, il ne croyait pas. Il disait ça pour préserver ses biens, pour préserver son sang. Amma al-Muslim, là, il apprend ces choses sincèrement, il les applique. Et s'il apprend ces trois fondements, il les applique, c'est ça, dîn l'islam. Dîn l'islam, c'est tout ce qui est rapport avec l'iman billah, at-tawhid, etc. C'est tout ce qui est rapport avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu crois au prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu le suis, tu lui obéis. Et toute la sunna qu'il a apportée, toutes les obligations, tu t'écartes des interdits. Et kadhalik, l'islam. C'est quoi l'islam? L'islam, c'est fondé sur tawhid, tu dois faire telle chose. Donc, c'est la religion entière. Ça nous montre l'importance d'étudier cette risala et de la comprendre. قال الشيخ عبد العزيز فإذا سأل سائل فقال من ربك. C'est une question عظيمة, elle est importante. لأن tu prétends adorer, بل tu adores Allah عز وجل. Tu reconnais que c'est ton créateur. C'est qui Allah? C'est qui ton Rabb? Pourquoi tu l'adores? C'est une question عظيمة. قال فقل. La réponse, ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبود. Allah, c'est lui qui a créé toute chose. C'est lui qui a donné. C'est lui qui guide. C'est comme s'il t'éduque. Il t'a créé, il t'a facilité, il te donne. C'est une éducation. فَلِهَذَا قَالَ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ. C'est pour ça qu'on dit الرب وَهُوَ مَعْبُودِي. كَذَلِكَ, cette croyance, cette conviction que Allah c'est le créateur, ça ne suffit pas. تَقَدَّمْ مَعَنَا أَنَّ الْكُفَّارِ يَرَكُونَ هَذَا بَلْ إِبْلِيس يَرَكُونَ هَذَا. لكن le but, c'est l'ibada. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tu reconnais que c'est ton Rabb et ça implique que tu l'adores seul. C'est ça l'islam. C'est ça le tawhid. قَالَ لَيْسَ لِمَعْبُودٌ سِوَهُ. Pourquoi cette précision elle est importante? عِنْدَمَن. Qui c'est qui répond à cette question? Pourquoi cette précision elle est importante? وَلَيْسَ لِمَعْبُودٌ سِوَهُ. تفضل. Pourquoi c'est important de ne pas faire du shirk? أحسنت لأن celui qui fait du shirk, il adore Allah, il adore un autre avec, il annule tout. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. هذا رب الجميع قال رحمه الله كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين والعالمون جميع المخلوقات كلهم عالمون. C'est ça l'alam, c'est la créature. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala il a cité le créateur lui-même Rabb, et il a cité l'alamin, les créatures. Donc tu as un créateur et toutes les autres choses c'est les créatures. Ça implique tout, les anges, les prophètes, les êtres humains, les djinns, les malaïka, les arbres, les pierres, les océans, les montagnes, ça implique tout. قال الجن والإنس والبهائم والجبال والأشجار كلها عالم. قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il a cité des créatures et à la fin il montre que c'est lui le créateur et c'est lui qui gère tout. Tabarak Allahu Rabbul Alamin. Donc tu dois l'adorer, tu dois l'aimer, tu dois reconnaître que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a facilité. قال الشيخ عبد العزيز فهو رب الجميع له الخلق وله الأمر وهو المستحق بأن يعبد ولهذا قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم. Vous avez remarqué dans ce verset, Cheikh l'Islam il va le citer plus tard, lakin Cheikh Abdel Aziz Ibn Baz il l'a cité هنا. Vous avez remarqué que ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a démontré que Rabb, c'est lui qui mérite l'adoration. Et c'est un délil qawi que tu dois mémoriser, tu dois te rappeler pour montrer que ar-rububiyya, ça implique al-uluhiyya. Reconnaître Allah comme créateur, ça implique que tu dois l'adorer seul. Ou il a une simple reconnaissance ou une conviction qu'Allah c'est le créateur, ça ne suffit pas. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard la yaquluna Allah. Allah nous informe qu'il reconnaissait Tawhid al-Rububiyya. Il savait que c'était Allah qui avait créé toutes choses. Lakin c'était des kuffars. Mushrikoun, ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala fil ibadah. Fahdhar min ash-shirk. Fais attention de ne pas sacrifier aux morts comme ils font Ba'd al-Juhal. Fais attention de ne pas invoquer une créature dans une chose qu'il n'y a qu'Allah qui peut te donner. Que ce soit un nabi, que ce soit un Sayyid, comme il dit, Sidi Fulan, que ce soit un proche, la yadouz. Tout ça, ça contredit la base de l'islam, At-Tawhid. قال وهو معبود ليس لمعبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين قال شيخ عبد العزيز يعني الثناء كله لله الحمد الثناء avec محبة et تعظيم. نعم, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a des noms parfaits, des attributs parfaits, tu l'aimes. والعبادة من الثناء ومن الحمد. Cette ibadah c'est une reconnaissance. C'est que tu reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est ton créateur. T'appliques le pourquoi de ta pourquoi Allah t'a créé. قال الشيخ رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز وكل ما سوى الله عالم من الجن والإنس والحيوانات والجبال كلها عوالم. Il y a plusieurs جمل. Il y a العالمون comme dans l'aya الحمد لله رب العالمين. Et كذلك il y a العوالم. La langue arabe, il y a des pluriels, il y a plusieurs pluriels. Est un exemple هنا. قال الشيخ عبد العزيز وأنا واحد من ذلك العالم الذي خلقه الله وأوجده وأجب عليه وأوجب كأنه من كان وأوجب عليه طاعته وأوجب عليه طاعته كأنه هكذا. فعلى جميع العالمين من المكلفين من الجن والإنس bien sûr العبادة c'est pour le مكلف. T'as des créatures, ils font pas partie de l'mukallafin. Que les pierres, les arbres, ils n'ont pas les mêmes obligations que nous. Ils ne doivent pas faire salat, le hajj, etc. Malgré ça, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des créatures lillah. Lakin, le Coran, ce qu'il y a dans le Coran, et l'envoi des messagers, c'était pour l'mukallaf. Al-mukallaf, deux catégories. Mukallaf, ça vient de teklif. Et Allah il leur a donné une capacité et ils doivent observer les obligations et s'écarter des interdits. Mukallaf, al-ins, les êtres humains, et al-jinn. Et le jannah wa al-nahar, c'est pour ces deux. Celui qui a réussi, qui adore Allah seul, il meurt à la tawhid. C'est un mu'min, il va faire le jannah. Et celui qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas adoré ou il a fait du shirk akbar, et il meurt à la dhalik, il est fait le nahar. Et min al-ins, wa ba'duhum, cette capacité l'ont plus. C'est pour ça qu'ils font pas partie de le mukallafin. Comme les enfants. Si un enfant il meurt, as-sahih, que ce soit un musulman ou un kafir, il est fil jannah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ce taklif. Taklif, c'est la capacité de comprendre. Il n'a pas, c'est un enfant. Il ne comprend pas les choses. Donc s'il meurt, il est fil jannah. Kadalik al-majnoun. Majnoun, il n'a pas la raison. Il n'est pas min al-mukallafin. Là, il ne peut pas comprendre. Rufi al-qalam an thalat, qal le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a cité al-saghir hatta yablugh aw as-sabi fi al-hadith et al-majnun hatta yafiq wa an-na'im kadhalik. Celui qui dort, il n'est pas pris en compte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de capacité. Il dort et il fait quelque chose de haram. Amma s'il dort et il fait un interdit, imma une mauvaise parole, imma un mauvais geste, il n'est pas pris en compte. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, il n'a pas la capacité. فالمكلف, celui qui n'a pas la capacité de comprendre, من الجن والإنس, il sera jugé sur ses œuvres. قال فعلى جميع العالمين من المكلفين من الجن والإنس أن يطيعوا الله ورسوله ويوحدوه جل وعلا. Et c'est ça l'explication de الشهادتين. Adorer Allah seul, sans associer, c'est l'explication de la ilaha illallah. Et croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le suivre, lui obéir, c'est l'explication de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Enfin, c'est pas une simple parole. C'est une parole qui a un sens azim. Et elle doit impliquer des choses. Et kadhalik, il y a des choses qui la contredit, qui contredit cette shahada. À nos efforts, on doit les faire fihada. Et c'est le premier asl, man rabbuk. Et kadhalik, le deuxième et le troisième, c'est fondé sur الشهادة وهذا دين الإسلام قال وهكذا الملائكة عليهم أن يعبدوا الله وحده ولهذا قال تعالى عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أما الملائكة كذلك زادوا الله لكن الملائكة الله les a créés ils peuvent pas désobéir ils désobéissent pas ils sont tous ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala أما المكلفين لا il y en a qui adorent il y en a qui désobéissent وقال تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون donc الملائكة كذلك c'est des عباد الله سبحانه وتعالى les aime et les a créés que pour l'adoration قال شيخ الإسلام في المتن فإذا قيل لك بما عرفت ربك c'est ça la question qu'il a posé Cheikh Abdelaziz Bima arafta rabbak. Comment tu as connu ton Rabb? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-layli wa an-nahar wa ash-shamsi wa al-qamar wa min makhluqatihi as-sab' as-samawat as-sab' wa al-aradun as-sab' wa man fihinna wa ma baynahum wa ma baynahuma. Na'am. La créature elle montre qu'il y a un créateur. Bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Si tu médites l'Inde, ce soleil, la lune, les cieux, la terre, les montagnes, les êtres humains, les animaux, tout ça, c'est pas venu seul. Al-Aqil, celui qui a la raison et qui médite et qui veut le haq, il saura qu'il y a un créateur. Ce téléphone, si tu regardes ce téléphone, tu sais que quelqu'un l'a fait, il n'est pas venu tout seul. Ce téléphone, c'est la technologie, ils ont avancé, tu sais que celui qui a inventé cette chose, il a des connaissances, il a de la khibra. Et il y a eu des efforts. Les étoiles, la pluie, etc. Tout ce système, le soleil se lève, la nuit, elle tombe. Le jour, il vient après la nuit avant le jour. Tout ça, ça montre qu'il y a un khaliq azim pour celui qui est sincère et qui veut le haq. فَلِهَذَا يُرْوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَ رَحِمَهُ اللَّهِ أَنَّهُ نَاقَشَ comme il a rapporté Sharih al-Tahawiyya, أنه ناقش بعض الملحدين, il ne croyait pas au créateur, et il leur a montré, il leur a donné un exemple azim, أنهم ce bateau avec lequel ils sont venus. Et ça montre l'importance, quand tu fais da'wah, de donner un exemple avec ce qu'ils comprennent. Les gens qui sont en face de toi, s'ils comprennent telle chose, donne-leur un exemple avec une chose qu'ils comprennent. Maintenant, هؤلاء, ils prennent le bateau, ils savent très bien, ils ont l'expérience. Il leur a dit, ce bateau, si je vous dis, il est venu tout seul. Tout seul, il est venu d'un endroit ba'id et il est venu tout seul. Et il s'est rapproché des côtes tout seul. Et il s'est arrêté tout seul. Et la marchandise, elle s'est déchargée toute seule. Thomas, ce bateau, il repart tout seul. Ils ont dit là. Ça veut dire, ils ont dit là. Il faut quelqu'un qui pilote le bateau. Il faut des gens qui s'occupent de la marchandise. Il faut des gens qui chargent, qui déchargent. C'est tout un système. Enfin, il leur a dit... Comment vous croyez alors que la nuit elle tombe toute seule, le jour il se lève tout seul, le soleil il se lève tout seul, les étoiles toutes seules, toi t'es venu tout seul. Comment vous croyez hada? Ils n'ont pas pu répondre. Et les Anna, il leur a répondu avec quelque chose de ma'koul. La raison, elle accepte hada. قال الشيخ عبد العزيز فإذا قيل لك أيها المسلم بما عرفت ربك الذي أنت تعبده فقل عرفته بآياته ومخلوقاته أي بآياته الكثيرة وبمخلوقاته العظيمة les signes d'Allah et ses créatures. C'est deux choses, tu vas savoir qu'il y a un créateur. Et ce créateur, tu dois l'adorer. قال التي تدل على أنه رب أنه الرب العظيم وأنه الخلاق العليم. نعم من أسمائه الخلاق الخالق العليم علام الغيوب عز وجل، وأنه المستحق لأن يعبد، وأنه الذي يخلق ما يشاء ويعطي ويمنع وينفع ويضر، بيده كل شيء سبحانه وتعالى. C'est lui الرب سبحانه. T'as créé, il est capable de tout. Il fait ce qu'il veut, il guide qui veut, il égare qui veut. Il donne un bien à qui veut, il le retire à qui veut. قال فهو المستحق بأن نعبد بأن نعبده بطاعته ودعائه واستغاثته وسائر أعمالنا وعباداتنا. Cheikh Ibn Baz, il insiste, vous avez remarqué, à chaque fois qu'il cite Rububiyya, il cite Tawhid al-Ibada, لأنه رحمه الله, il veut et il démontre que ça ne suffit pas de reconnaître Ar-Rabb. Donc à chaque fois il fait le lien. À chaque fois, rahmatullah alayhi, tu verras, il fait le lien. Il cite Tawhid al-Rububiyya, directement après il cite Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Ibada. لأنه ça te sera d'aucune utilité, أيها العبد, de reconnaître Allah en tant que Rabb si tu ne l'adores pas. C'est pour ça que l'awamir fil Qur'an, les ordres, c'est fil ibada. وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Un ordre. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tous ces ordres, c'est fil ibada. T'es obligé d'avoir la conviction, la croyance en Allah, c'est Rabb. Thumma, tu dois adorer Allah seul. C'est ça l'islam. Et cette adoration, tu dois être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala et tu dois suivre le prophète alayhi salatu wa salam. C'est ça notre dîme. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذه الهباية هي توحيده وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه قولا وعملا. C'est ça dîne l'islam. Adorer Allah seul, obéir à Allah et à son prophète, suivre la sharia et l'islamia. On revient au Coran et à la sunna. كذلك تعظيم, on respecte le dîne. Et on fait des efforts, que ce soit des paroles, des actes, apparents, cachés. Ça nous montre le din, le haq. Ils ont une conception du din, c'est du kufr. Fais ce que tu veux, t'embêtes personne, tu ne montres à personne, t'es libre. Le haq, ils appellent à la démocratie, ils n'appellent pas din l'islam. Lakin, pour ne pas brusquer les gens, ils savent que les gens, beaucoup de personnes, ils aiment l'islam. Ils leur ont dit islam, et ils ont mis un short de France. Et la démocratie. Ton islam, c'est la démocratie. Il ne faut pas que ça contredise. Alors que nous, on sait que ça se contredit. Ça se contredit dans plein de points, comme on l'a démontré dans les cours qu'on avait fait sur les méfaits de la démocratie. Wallahi alhamd. قال شيخ الإسلام والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Donc le délil, tu connais Allah subhanahu wa ta'ala avec ses signes, c'est ce verset. وَمِنْ آيَاتِهِ. Et parmi ces signes, la nuit, le jour, le soleil. Tout ça c'est des signes. Si tu médites, c'est pas venu tout seul. Comme on a dit, on a cité l'exemple du téléphone, on a cité l'exemple de Qissat Abi Hanifa. Belle une chose plus petite, un noyau de date. Une date, si on te dit c'est venu tout seul, personne n'acceptera ça. لكن انتبهوا لمكر الاعداء. Pour éloigner les gens du din, souvent ils appellent et ils citent la nature. Souvent. Les gens, ils savent très bien que c'est pas venu tout seul. Lakin, ils disent, c'est la nature. Les orages, c'est la nature. Tremblement de terre, c'est la nature. Tout ça. Le froid, c'est la nature, c'est le climat. Tout ça, انتبهوا. Ça, c'est un makr. C'est une ruse des kafara, ils le répètent souvent pour écarter les enfants de l'islam et al-nas, umum. Hatta ba'dhum l'an, ils pensent que c'est tout la nature. La nature, ça ne veut rien dire, akhil karim. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Amma, si tu leur demandes de définir c'est quoi la nature, ils ne pourront pas. C'est quoi la nature? C'est qui? Là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Khaliq et makhluq. Cette nature, si tu veux la nature, les animaux, les montagnes, les océans, si on appelle ça la nature, même les créatures. Cette créature, elle a un créateur, Allah. Amma, vous avez remarqué qu'ils mélangent nature. Des fois, ils veulent la créature. Ils disent maintenant les animaux, les forêts, la nature. Non, ça c'est la créature. Et des fois, ils mélangent et ils mettent la nature, mais maintenant le créateur. Maintenant, ce tremblement de terre, ils disent c'est la nature. Là, c'est pas la nature. Là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu ça. انتبهوا لهذا، مهم. قال الشيخ عبد العزيز: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، كل هذه تدل على أنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. نعم، الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى كخير النوي لجور للسولي للون، ويأتي الليل بظلامه ويذهب النهار بضيائه. سأصنع آية عظيمة. Et il n'y a jamais eu un retard. Allah subhanahu wa ta'ala, des milliers, des millions d'années, il a créé Hadelkon, il n'y a jamais eu un retard. Et le soleil se lève en retard, la nuit elle vient en retard. Abadan. Celui qui a créé, qui gère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a les noms parfaits et les attributs parfaits, subhanahu. Wa hadhihi ash-shams tala' 'ala an-nas fi ad-dunya kulliha wa yantafi'una biha. Ça éclaire tout le monde, Kadalik ça réchauffe tout le monde, Kadalik l'être humain il en profite, niveau sa santé, Kadalik les animaux, Kadalik les plantes. Aya azim. Cette aya normalement, et c'est wajib alayna nashkurullah subhanahu wa ta'ala. Comment on va être reconnaissant envers Allah? On l'adore parce qu'il a créé ces choses. C'est pour ça qu'al-kafara on les appelle kuffar. Les annahum ils ne sont pas reconnaissants, ça vient de kuffar. Ils ne reconnaissent pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a tout donné. Tout ce qu'ils ont, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Al-an, si on enlève que l'eau ou le soleil, kafir, plus personne ne peut vivre. Malgré ça, ils ont un inad et ils ont du kibr. Et ils insultent, ils se moquent. Wa yata'anuna fi Allahi rabbil alamin wa fi rusulih. Lakin, ils regretteront yawm al-qiyamah. Wa la yanfa' an-nadam hina idhin aw hunak. Wa hadha al-qamar kadhalik. وغير هذه من الآيات العظيمة. نعم القمر كذلك ده فوائد عظيمة. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé une hikmah. Imma on la connaît, imma on la connaît pas. كالأرض وما فيها من جبال وأنهار وبحار وأشجار وحيوانات. Tu prends avec l'exemple des animaux, نستفيد منها. من ألبانها. On profite du lait, on profite des viandes, on profite de la peau, on profite de beaucoup de choses. Pour se nourrir et autres. وهذه السماوات التي يراها الناس كلها من آياته الدالة على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه المستحق للعبادة. ولهذا قال. Vous avez remarqué, Cheikh Abdel Aziz, il cite al-Rububiyya l'un des signes, à la fin, il termine avec, il mérite l'adoration. C'est ça le but. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. C'est ça le but de citer al-Rububiyya. أما الجهال كالتبليغ, جماعة التبليغ, جهلة. Ils ne connaissent pas le dîn. Ils veulent appeler au dîn là qu'ils n'y connaissent pas. Tu les trouves que pendant des heures, ils appuient sur Rububiyya. Qui c'est qu'a créé ce caillou? Qui c'est qu'a créé le soleil? Thomas, ici, des exemples avec les océans. Thomas, à la fin, il n'y a pas de fin. Là, le but, c'est l'ibada. Pourquoi? Parce que le qawm, ils n'ont aucune inaya bi tawhid. Tawhid, l'ibada. Bel, kathir minhum, khasatan, fil hind, comme ils rapportent. Dans ces pays, en Inde, au Pakistan, etc. كثير منهم يقعون في الشرك الصراح من عبادة القبور والطواف حولها والذبح لأهل القبور للميت. إما ils le font, إما لا ينكرون. C'est pour ça qu'ils ont fondé leur da'wa sur tawhid al-rububiyya. والمساكين, ils savent ou ils savent pas que Abu Jahl, bel Iblis, ils reconnaissent cette chose à quoi ils appellent layl nahar. C'est pour ça que Jama'at al-Tabliq, c'est des dhullal, juhal. C'est pour ça qu'ils n'ont aucun poids fi da'wa. Et c'est pour ça que petit à petit leur jama'a elle a perdu min quwwatiha wa intishariha. Qala wa li hadha qala wa min ayatihi al-layl wa an-nahar wa ash-shamsu wa al-qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Yani la ta'budu hadhihi al-makhluqat. نعم لأن celui qui mérite l'adoration c'est Al-Khaliq. بل أعبد الذي خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى. Donc il y a une faïda azima. Ces créatures, on reconnaît que c'est Allah qui les a créées, donc on adore le créateur. Et كذلك on profite. On profite du soleil, on profite de l'eau, on profite des animaux. Tant que c'est dans le halal, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés pour l'ibad, pour qu'il l'adore. C'est pour ça que celui qui profite de cette ni'ma et il n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un kafir. Et t'es obligé de profiter. T'es obligé de profiter. L'oxygène, l'eau, le soleil, tout le monde profite. Donc, t'es obligé d'adorer Allah Azza wa Jal. فَهُوَ الْمُسْتَحِقُ بِأَنْ يُذَلَّهُ الْعَبْدُ وَيَخْضَعْ لَهُ ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه سبحانه وتعالى تعظيما وتقديسا له وخوفا منه ورغبة فيما عنده. Cette ibadah doit être fondée sur des piliers. Il les a cités. المحبة. Tu dois adorer Allah avec amour. Tu l'aimes, عز وجل. كذلك tu l'adores خوفا منه. T'as peur. Si tu désobéis, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé une mare pour les désobéissants. كذلك الرغبة. T'espères. كذلك le respect. L'amour, etc., ce qu'il a cité, Cheikh Abdel Aziz. قال شيخ الإسلام وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم إلى ستة سيدو فيرس رحمه الله pour démontrer les signes d'Allah et les créatures d'Allah. Tout ça, ça te permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ عبد العزيز وقال سبحانه إن ربكم الله يعني إن ربكم أيها العباد من الجن والإنس هو الله. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a un haq sur toi. كما جاء في حديث معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ معاذ الذي الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام il lui a répondu حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. Allah t'a créé, il a un haq. Tu dois l'adorer seul sans associer. Ta vie doit être fondée sur ce haq. Ta vie doit être fondée. Ta vie c'est pas pour gagner de l'argent, manger, dormir. Là, ta vie c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette dunya c'est fait pour te faciliter. Tu manges, tu dors, tu travailles, etc. Et t'adores Allah. C'est ça le but. قال وهو معبودكم الحق وحده لا شريك له الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله سبحانه وتعالى il a créé les cieux et la terre, ثم après avoir créé les cieux et la terre il s'est élevé, il est au-dessus de son trône. ثم أي ثم ارتفع على العرش وعلى فوقه سبحانه وتعالى. تفسير أهل السنة والجماعة. Ce chapitre qu'on a vu avec nos frères, walillahi alhamd, dans Bab al-Aqida, al-Istiwa. Ay, an Allah, il est au-dessus de son trône. Fa'ilmuhu fi kulli makan, wa huwa fawq al-arsh, aqidat ahl al-sunnah. Lianna, qad yaqul qa'il, ce verset fihi, an Allah, il est au-dessus du trône, et on sait que le trône, c'est a'la al-makhlouqat. On sait que le trône, il est au-dessus des créatures, et Allah, il est au-dessus du trône. لكن قد يقول قائل الله سبحانه وتعالى يقول وهو معكم أينما كنتم. يا الله il est avec vous où que vous soyez. Cheikh Ibn Baz il explique عقيدة أهل السنة en une phrase. Allah il est au-dessus de son trône et son علم il est partout. وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه. Et il te voit et il t'entend où que tu sois. أما الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de son trône. Allah il est plus grand que la créature. C'est pour ça qu'on dit الله أكبر. فعلمه في كل مكان وهو فوق العرش. فوق جميع المخلوقات والعرش سقف المخلوقات. نعم العرش c'est le plafond des مخلوقات. C'est pour ça que العرش c'est سقف الجنة. والجنة elle est في عليين, elle est au-dessus الجنة. Et العرش c'est le plafond de الجنة, le plafond de tous les مخلوقات. Et les مخلوقات elles sont en dessous du عرش. Et Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus du عرش. Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de sa créature. C'est pour ça qu'on dit الأعلى من أسماء الله الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. Et c'est le plus haut. كذلك من أسماء الله العلي وهو العلي العظيم. وهذا بإجماع علماء السنة بإجماع السلف أن الله il est au-dessus de son trône. Et ce point il est détaillé dans les livres de عقيدة كالواسطية وغيرها. Et الإمام الذهبي رحمة الله عليه il a un livre عظيم في العلو. Et شيخ الإمام الألباني رحمه الله il l'a résumé مختصر كتاب العلو للإمام الذهبي شيخ الألباني لا résumé et il a حقق لأحاديث pour celui qui veut détailler ce sujet. كذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه dans son livre اجتماع الجيوش الإسلامية il détaille cette مسألة في العلو. قال والله فوقه جل وعلا أي فوق العرش استوى عليه استوى عليه استواء يليق بجلاله لا يشبه خلقه في شيء من صفاته. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. C'est une règle. Allah subhanahu wa ta'ala il a des noms et des attributs. Sache akhi al-muslim que Allah il ressemble pas aux créatures. وهو السميع البصير. Allah il entend et il voit. L'être humain aussi, il entend et voit, mais ce n'est pas la même chose. Allah, il entend tout. Toutes les créatures, elles parlent en même temps, des bruits en même temps. Allah, il entend tout. Allah, il voit tout. Wahad, il est dans la nuit, Wahad, il est dans le jour, Wahad, il est à l'intérieur de la maison, Wahad, il est à l'extérieur, Wahad, il est sur la mer, sur la terre. Allah, il voit tout le monde, il entend tout le monde. Amanta, tu vois et t'entends, lakin, t'es une créature avec ses faiblesses. Si deux personnes ou trois personnes elles parlent en même temps, t'arrives plus à comprendre. Donc il faut bien mettre les choses à leur place. Amma ahlul bid'a wa dhalal min al-jahmiya wa ghayrihim, ils ont nié les attributs d'Allah. Pourquoi? Parce que pour eux, si tu dis qu'Allah il entend et voit, tu la fais ressembler aux créatures. Na'oud billah. Allah il entend et voit, la créature elle entend et elle voit, lakin c'est pas la même chose. Wa illa fala nuthbit al-wujud. Allah subhanahu wa ta'ala, il existe. L'être humain aussi, il existe. فَقَعِدَةَ أَهْلُ الْبِدْعَ وَأَهْلَ التَّعْطِيلِ حَتَّى سَتْصِفَ وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ فَلِهَذَا غُلَاتِ الْجَهْمِيَةِ ils ont nié هذا. Tu ne dis pas qu'Allah il est موجود وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ كَذَلِكَ la vie. Allah c'est le hay, c'est le qayyum. كَذَلِكَ أَنْتَ tu vis. Est-ce qu'on va dire là, Allah il n'a plus de vie parce que toi tu vis? Là, ce n'est pas la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il vit, il n'a jamais été précédé par le néant. Et Allah il n'a pas de fin, il ne mourra jamais. Amanta, tu as été précédé par le néant, tu n'existais pas, c'est Allah qui t'a créé, et tu goûteras à la mort. Donc il y a un fort adim. Et tout ça, c'est fi durus al-asma wa sifat. Qala al-Sheikh Abd al-Aziz, wa qala ta'ala, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, wa qawluhu wa yughshi al-layla nahar yatlubu hathitha, ay yughatti hadha bihadha wa hadha bihadha. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gère tout ça. Qala yatlubuhu hathitha, ay sari'an. Et il n'y a aucun retard. Chaque chose est à sa place. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les gère. Ala lahu al-khalq wal-amr. ثم قال سبحانه ألا له الخلق والأمر فالخلق له والأمر له هو الخلاق الذي لا يخالف أمره الكوني الذي هو النافذ في الناس كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il veut une chose, personne ne peut le contredire. الأمر الكوني. أما الأمر الشرعي, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne مثلا aux gens de faire salat, et beaucoup de gens ne font pas salat. لكن الأمر الشرعي, Allah il demandera des comptes aux ibad, et les ibad ils rendront des comptes à Allah. C'est l'ibad. Amma amr kouni, مثلا Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé que aujourd'hui il pleut, personne ne peut empêcher. Est-ce que quelqu'un peut empêcher? Abadan. Allah il a ordonné que le soleil il se lève min al maghrib, comme à la fin des temps, personne ne pourra empêcher. Ça c'est un amr kouni. Amma l'amr shar'i, c'est les ordres de l'ibad. Et c'est par rapport à ça at-taklif, et c'est par rapport à ça al-hisab. Qala kama qala ta'ala innama amruhu idha arada shay'an yaqul lahu kun fayakun wa qawluhu wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar fa amru Allahi al-kawni al-qadari la radda lahu wa li hadha qala ala lahu al-khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin fa tabarak ya'ni balagha fil baraka an-nihaya fa sami'na tabarakallahu ay balagha في البركة النهاية أي لا أطلن في البركة للسمع وهي الصيغة لا تصلح إلا لله. نعم فلا يجوز أن تبارك فلان, لا تبارك الله خاص بو الله سبحانه وتعالى. فلا يقال للعبد تبارك يا فلان, هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن تبارك سي للسمع دو البركة, هذا لا يصلح للعباد. وإنما هو خاص بالله كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك في سورة الملك. وإنما يقال للمخلوق بارك الله في فلان. نعم, أما في المخلوق تدي بارك الله فيك, أي تفي الدعاء كالله يلمد لبركة. أما تبارك أي نهاية, أي البركة على أطنان السماء بلغت النهاية, ساسي بوغ الله سبحانه وتعالى. قال أو فلان مبارك. نعم تدي فلان مبارك, أي حصلت فيه بركة. أما تباركت فإنها لا يصلح أو لا يصلح إلا لا تصلح إلا لله وحده. الآن تسكن سيتس في الربوبية. ثم شيخ الإسلام يفعل لليان, أي الربوبية الآن Tu connais Allah et tu sais qu'Allah, tu le connais par ses noms, par ses attributs, comme on va voir, et aujourd'hui on l'a vu par ses signes, par ses créatures. Thomas, il va démontrer un surah que tu reconnais, tu dois l'adorer. C'est ça, dit l'islam. Amma, une reconnaissance qu'Allah, il a créé les cieux et la terre, et autres, ça ne suffit pas, s'il n'y a pas d'adoration. Ou s'il y a une adoration, il y a du shirk. La bud, deux choses. L'adoration et ne pas faire de shirk. Comme a dit Azzawajal, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ délaisser le shirk et adorer Allah seul. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Et tout ça, ça va venir avec nous, Inch'Allah. Par le prochain dars, on continuera. الرب هو المعبود. حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.